Anna Clarina Ornella. Oh, my God. comme si on allait là. Et champion, et chef de salon, c'est qu'on va faire la vaccine. Il n'a pas un jour, mais à cause de la paix, la bonne vie, on y va, on y va, bébé. Lumina. Lito de Castro, Canangola, Chantalie Lunga. Mami Delgado. Docteur René Kanda Valeur Sûre, Max Pongo Bouwaja, Roxane La Rockstar, yeah. Docteur Jean-Denis Bombando, Thomas, Roméo Bébé Kodak, Darius Akwala, Yuri Bernard, Omura Kivudi, Laure, Rali Maudel Ikina, Marinelle Giorgio, Bobuli Yundela, Christelle Turban, Dédicace Biangani, Joseph Bertin, Le Samouraï, Etienne Eradi, Papa Nanatan, Malaikana Etienne, Ardiette Nani Vazo, Huberti Bangani,